Donc, nous avons vu que « ever » signifiait « à quelque moment que ce soit de ma vie jusqu'à présent ». Alors, si je vous pose la question « est-ce que vous avez déjà été à Madrid ?», en anglais, ça donnera « have you ever been to Madrid ?» mot à mot, « avez-vous jamais été à Madrid ?». Ce à quoi vous pourrez répondre « yes, I have » ou bien « no, I haven't ». Alors, comment poserez-vous la même question, mais cette fois au sujet d'Amsterdam ? Est-ce que vous avez déjà été à Amsterdam ? Have you ever been to Amsterdam? Have you ever been to Amsterdam? Alors, imaginons que vous avez le projet d'y aller, mais que vous n'y êtes pas encore allé. Vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas à employer l'équivalent de « pas encore » qui se dit « not yet ». Remarquez qu'on emploie là aussi la forme du passé avec « to have ». Alors, comment direz-vous « je n'ai pas encore été à Amsterdam » ? En anglais, ça donnera donc « je n'ai pas été à Amsterdam encore », donc avec le « yet » rejeté en fin de phrase. Alors, à vous. I haven't been to Amsterdam yet. I haven't been to Amsterdam yet. Bon, donc nous venons de voir que « déjà » peut se traduire par « ever » et « pas encore » par « not yet ». Mais en fait, « déjà » et « encore » peuvent être employés avec d'autres sens que ceux que nous avons vus dans les derniers exemples, et du coup, avoir une autre traduction en anglais. Par exemple, « déjà » peut aussi vouloir dire que quelque chose a été fait et n'a donc pas besoin d'être fait à nouveau. Dans ce sens, on emploie « already », A-L-R-E-A-D-Y, comme par exemple dans « il a déjà fini », qui, en employant la forme du passé avec « to have », se dira « He has already finished ». He has already finished. Et comment direz-vous au sujet d'un film « je l'ai déjà vu » ? I've already seen it. I have, ou bien I've already seen it, c'est ça. Ce qui revient à dire, je l'ai vu avant, qui se dira. I've seen it before. I've seen it before. Donc, là, à vous de choisir l'expression qui vous plaît le plus, ou celle qui vous vient la première à l'esprit. Bien, et nous avons donc vu comment dire pas encore, not yet, mais comment dira-t-on encore ? Alors, lorsque « encore » exprime une continuité, donc avec le sens de « toujours », on emploie « still », S-T-I-2-L, « still ». Par exemple, comment dira-t-on « il est 10 heures, mais elle est encore au lit » ?« In bed ». It's 10 o'clock, but she's still in bed. It's 10 o'clock, but she's still in bed. Elle est encore au lit. Donc ici, « encore » a le sens de « toujours ». Mais quand « toujours » signifie « pour l'éternité » ou bien « de manière répétée », on n'emploie pas « still » mais « always », que vous connaissez déjà. Alors, si « en retard » a la même traduction que « tard », comment direz-vous « sa femme est toujours en retard » ? « His wife is always late ». His wife is always late. Et le contraire, en avance, se dit early. E-A-R-L-Y. Early. Et si vous êtes d'humeur romantique, comment direz-vous « je t'aimerai toujours » ? I will always love you. I will always love you. Nous sommes désormais arrivés au terme de cette troisième et dernière partie de la méthode. Et comme le faisait toujours Michel Thomas, je vous recommande vivement de consacrer au moins 10 minutes par jour à travailler votre anglais. Il vaut nettement mieux un peu d'entraînement tous les jours qu'une révision intense de temps en temps. Saisissez également toutes les occasions de lire en anglais, que ce soit des journaux, des magazines par exemple, de regarder des émissions ou des films en anglais, avec ou sans sous-titres, et de rencontrer des anglophones. Ils seront toujours ravis de voir que vous faites l'effort d'apprendre leur langue et ce sera avec plaisir qu'ils vous donneront l'occasion de la pratiquer avec eux. Et qui sait, vous serez peut-être bientôt invité à leur rendre visite à Londres, New York, Sydney ou pourquoi pas dans leur appartement de la rue d'en face. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bonne chance pour la suite. Thanks for your time and good luck.